بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه السلسلة في شرح عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله Et donc, bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce cours dans l'explication de Umdat al-Ahkam de Al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fa nwasil fi bab al-Jumu'ah. On continue le sous-chapitre lié au Jumu'ah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Jabir qala. Et donc l'auteur qui nous dit, donc selon Jabir qui dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhutubu khutbatayn wa huwa qa'im يفصل بينهما بجلوس. Selon Jabir رضي الله عنه qui dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait donc deux khutbah, deux discours, et il était debout. Il était debout, il séparait ces deux discours par une assise. Il séparait ces deux khutbah par une assise. ليعلم أيها الإخوة أن هذا الحديث ليس لشرط المؤلف لكونه مخرجا في صحيح مسلم دون صحيح البخاري. Et donc premièrement les frères, il faut savoir que ce hadith ne respecte pas les conditions de l'auteur, car ce hadith a été rapporté, a été cité dans le recueil al-Sahih de l'imam Muslim, mais pas al-Sahih de l'imam al-Bukhari. Or l'auteur a dit donc que sa condition est que les hadiths qu'il va citer sont dans As-Sahihayn, les deux livres. وَهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ أَنَّ الْإِمَامِ يَخْطُبُ وَهُوَ قَائِمٌ. Et donc il y a dans ce hadith le fait que l'imam, il va faire la khutbah en étant debout. كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Comme cela a été cité dans la parole d'Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Et lorsqu'ils voient quelconque commerce ou futilité, ils y accourent et te laissent debout. Et te laissent debout. فالله تبارك وتعالى نعم ذكر هذا في الجمعة وذكر القيام. Allah تبارك وتعالى a cité ce verset concernant الجمعة. Et il a cité ici le fait de rester debout. Le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم, il était debout. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلون هذه الآية في الإنكار على من يخطب الناس جالسا. Et donc les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, ils récitaient ce verset pour blâmer à tous ceux qui faisaient la khutbah tous ceux qui faisaient la khutbah en étant assis. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله إن القيام للجمعة واجب لمن قدر عليه وإن تركه فصلاته صحيحة. العلامة أحمد النجمي رحمه الله. Il dit que le fait de se tenir debout pendant la prière du vendredi, donc pour l'imam, ceci est une obligation pour celui qui en a la capacité. Et s'il délaisse donc la station debout pendant la khutbah, alors donc sa prière elle est correcte. Sa prière elle est correcte, même si ceci est une obligation. فذلك لأنه ورد في زمان الصحابة ولم ينقل إلينا أنهم قالوا ببطلان الصلاة. Cela pourquoi est-ce que le cheikh il a dit ça? Ben tout simplement c'est parce que ceci, cet acte, le fait que quelqu'un prie assis, le fait que quelqu'un fasse la khutba assis, cela a été rapporté, cela s'est produit à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne nous a pas été rapporté que ils ont jugé que la prière était caduque. Ils ont reproché cela, ils l'ont blâmé, mais il n'a pas été rapporté qu'ils ont jugé la prière caduque. وكذلك يؤخذ من الحديث سنة الجلوس بين الخطبتين. Et aussi on peut comprendre de ce hadith le caractère la sunna qui est de s'asseoir entre les deux discours. قالت طائفة من أهل العلم بعدم الوجوب. Il y a certains parmi les gens de science, ils disent que cette assise entre les deux khutbah, elle n'est pas obligatoire. أي أن الإمام إن خطب خطبة واحدة صحت صلاته. Ce qui est voulu par là, c'est que il y a certains savants qui disent que si l'imam il ne fait qu'une seule khutbah, s'il n'en fait pas deux, s'il n'en fait qu'une, il n'y a pas d'assise entre les deux khutbahs, il fait qu'une seule khutbah, alors sa prière, elle est valable. Sa prière, elle est valable. وَذَلِكَ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. Et donc ils disent cela, car il n'y a pas de preuve qui montre qu'il est obligatoire de faire deux khutbah. Car le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait cela, juste ça ne montre pas, ça ne suffit pas pour dire qu'il est obligatoire de faire deux khutbah. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن علي أنه خطب الناس ولم يزد على خطبة واحدة. Ibn Abi Shayba ainsi qu'Abd al-Razzaq ont cité dans leur Musannaf, selon Ali radiallahu anhu, qu'il a prié, Ali, il a fait la prière du Jumu'ah, et il n'a pas fait plus d'une khutba, il n'a fait qu'une seule khutba, il n'a pas fait deux khutba. Wa qala akharun, bel is sahih, huwa al-wujub, wa in taraka al-khutba al-thaniya, batulat salatuhu. Et d'autres savants, ils disent que ce qui est l'avis le plus juste, c'est qu'il est obligatoire de faire deux khutbas le jour du vendredi. Et que si l'imam, il délaisse la deuxième khutba, sa prière, elle est caduque, elle n'est pas valable. وَذَلِكَ لِمُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلِهِمَا حَتَّى مَتَ. Et cela parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a tout le temps fait. Il a tout le temps fait ces deux unités de prière jusqu'à ce qu'il meure. Il ne les a pas délaissés. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَتَرَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ مَرَّةً لِيُبَيِّنَ لِأُمَّتِهِ عَدَمَ الْوُجُوبِ. Ils disent, et si cela n'avait pas été obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait délaissé ne serait-ce qu'une seule fois pour montrer à sa communauté que ceci n'est pas obligatoire. والذي يظهر والله أعلم عدم الوجوب. Et ce qui apparaît, donc, et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant, c'est que cela n'est pas obligatoire. C'est que cela, il n'est pas obligatoire d'avoir les deux khutbah. وإن كنت أميل إلى الوجوب شيئا ما فلا أقول ببطلان الصلاة لمن ترك الخطبة الثانية لأن القول ببطلان الصلاة يحتاج إلى دليل. Et même si je penche quand même un peu vers le fait de dire que c'est obligatoire, je ne vais pas dire que celui qui ne le fait pas, sa prière est caduque. Pourquoi? Parce que le fait de dire que la prière de l'individu est caduque, cela demande une preuve. Cela demande une preuve. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال فقم فاركع ركعتين. Ensuite l'auteur il nous dit rahimahullah selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qui dit un homme est venu alors que le messager d'Allah alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la khutbah le jour du vendredi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que tu as prié ô un tel? Alors l'homme il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lève-toi et accomplis deux rak'ah, deux unités. Zahiru hadha al-hadith ayyuha al-ikhwa أن من دخل المسجد والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين. Ce qui apparaît de ce hadith, mes frères, c'est que celui qui rentre dans la mosquée, alors que l'imam fait la khutbah, alors cette personne-là doit prier, doit accomplir deux unités de prière. وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد والشافعي. Et c'est cet avis qu'a choisi l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i. La yakulani bil wujub, wa innama huwa al-istihbab. Attention, ils ne disent pas que c'est obligatoire. Ils ne disent pas que c'est obligatoire que la personne fasse deux unités de prière. Mais ce qui est voulu par là, c'est que c'est recommandé. Amma al-imam Abu Hanifa wa al-imam Malik, faqad dhahaba ila annahu la yanbaghi lahu an yarka rak'atayn. En ce qui concerne l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, alors ces deux, ils voient que il n'est pas convenable, il ne convient pas que la personne elle fasse deux unités de prière alors que l'imam est en train de faire la khutba. Bel yajlis, ils disent donc au contraire, la personne elle s'assied. Il rentre, l'imam il fait la khutba, tu t'assieds. ولذلك لأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكان يتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت. Et cela parce qu'il y a un homme une fois qui est rentré à la mosquée. Le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait la khutba. Alors cet homme il passait entre les rangs comme ça, passait au-dessus des gens et pour trouver une place à l'avant et le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit, Ijlis, assieds-toi. Certes, tu as dérangé. Certes, tu as fait du tort. Edait. Tu as dérangé les gens. Wa aidan, an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, qala liman qala li akhihi ansit wal imam yakhutub, innahu qad lagha. Et aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui dit à son frère ansit, celui qui dit à son frère de se taire, de faire silence, alors que l'imam, il fait la khutba, celui-ci a fait un acte donc qu'il ne devait pas faire. Celui-ci, cet acte-là est blâmable. Et donc ça concerne l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Que dire donc de la prière? والصحيح والصواب من ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشافعي. Et l'avis le plus juste dans tout ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et de l'imam Shafi'i. Pourquoi? لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في ذلك. Ceci à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est clair en cela comme dans Sahih Muslim. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal: "Idha jaa'a ahadukum al-masjida yawm al-jum'ati wal-imam yakhutub falyarka' rak'atayn walyatajawwaz fihima." Donc dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Si lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée le jour du vendredi alors que l'imam fait la khutba, alors qu'il fasse deux unités de prière et qu'il fasse vite en cela amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ijlis fa li anna ar-rajul qad adha an-nas fal amr mukhtalif. Tandis que dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à l'homme assieds-toi lorsque l'homme il passait les rangs, ça c'est parce que l'homme il dérangeait les gens, il a dérangé des gens, donc la situation est différente. Là il dérangeait les gens, il a passé les rangs. Et donc là, c'est différent. Mais lorsque tu rentres à la mosquée, la base donc est que tu pries. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de le faire. Hadha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. On continue demain, inshallah ta'ala. Donc, dans ce même hadith, bi'iznillah, il y a aussi d'autres points à voir, mais on les verra demain. Wafakal, inshallah ta'ala, wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayra.